lève la main droite et je le jure. Les jumeaux sont réglos, prêts à donner du son pur. On vient de l'école du rap dur, du rap sûr. Élevé au son qui ne ment pas quand tu les écoutes en voiture. Sucré la mélodie pour vous ambiancer. On a assez été patient, assez pour ne plus patienter. De balles, tu connais, c'est de la bastos. Un bon rap, un bon match, après on se casse au gastos. Pire que du C4, t'as de la bombe de balles sur les côtes. De négro qu'on la niaque, y'en a pas d'autre. Si tu jactes, tu sautes, si tu te braques, tu te voles. Dans mon sac, y'a des lyrics, pas du crack. Gros consommateur du Big Mac, aux adeptes de Mic Mac. Les blacks attaquent le marché pourtant. Les naufragés du temps sont opérationnels. Ils ont la dalle, sensationnel. C'est juste bon pour ton moral. C'est de la bombe de balle, de balle, c'est de la bombe. C'est de la balle, tu perds la boule, de balle, des boules. Ouvre le bal, c'est de la balle, c'est de la bombe de balle. De balle, c'est de la bombe, c'est de la balle. C'est pas si bon pour ton moral. C'est de la balle, c'est de la bombe de balle. De balle, c'est de la bombe, c'est de la balle. Tu perds la boule, de balle, des boules. Ouvre le bal, c'est de la balle, c'est de la bombe de balle. De balle, c'est de la bombe, c'est de la balle. C'est pas si bon pour ton moral. Une belle aventure, belle. Sois sûr, c'est conçu pour que ça dure. S-T-O-P à la posture, zigzag donc examine. Yop, font les deux balles, yop, depuis le temps qu'on les contamine. Du 9-2 au plaisir Robinson, au 7-7 HL. Traîne pas des pattes, mon garçon, c'est du rap à balle réel. Qui veut qui kill comme kill, dit qu'il se pose mic en main. Avant que tu penses au clash, t'as lâché un rein. Ma passa, la nuit vampire. Bienvenue au troisième niveau où règne la loi. Kaira Blan, slogan, le 6-6 ne vaincra pas. Boulet, trois éléments, on peut battre cela. Qui mac le mac, imagine le drame. Personne n'a la mamie sur mon waterman. C'est de la bombe de balle, de balle, c'est de la bombe. C'est de la balle, tu perds la boule, des balles, des boules. Ouvre le bal, c'est de la balle, c'est de la bombe de balle. De balle, c'est de la bombe, c'est de la balle. C'est pas si bon pour ton moral. C'est de la balle, c'est de la bombe de balle. De balle, c'est de la bombe, c'est de la balle. Tu perds la boule, des balles, des boules. Ouvre le bal, c'est de la balle, c'est de la bombe de balle. C'est de la bombe de balle, pour les femelles il est mal.